ça nous partager, j'en doutais. Pâté ni jalousie, désormais. Oh la frère, moi, pâté. Dis-moi ça qui rivait, ou changeait. Tout vent qui soufflait maintenant.